deuxième temps de notre histoire des micro-États. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'exactement que l'État du Vatican ? Hier, nous vous avons parlé des micro-États, paradis fiscaux. Demain, nous évoquerons l'expérience très courte de l'État libre de Fiume. Jeudi, nous raconterons l'histoire de la République des Escartons dans le Briançonnais. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons revenir sur le micro-État le plus célèbre au monde, à savoir le Vatican, au lendemain du premier voyage d'un pape en péninsule arabique. Et alors que peut-être l'Italie se souviendra la semaine prochaine qu'il y a 90 ans exactement étaient signés les accords de Latran entre Mussolini et le pape, nous allons ce matin comprendre comment cet État s'est forgé grâce à des textes lus par Nathalie Canoui et commentés par nos trois invités de ce matin. Laura Pettinaroli, elle est historienne, maîtresse de conférence à l'Institut catholique de Paris. Elle a co-dirigé le gouvernement pontifical sous Pie XI ainsi que les cardinaux entre cour et curie à l'École française de Rome, ainsi qu'un atlas des chrétiens chez Autrement. Isabelle de Gaulmin est avec nous. Elle est l'ancienne correspondante de la Croix au Vatican et elle a bien fréquenté cet État pendant plus de 4 années. Gilles Ferragut est également avec nous. Il est maître de conférence à l'Université de Nanterre et il a co-coordonné le dictionnaire du Vatican chez Robert Laffont. Nous sommes ici au centre du Vatican, c'est la cour de San Damaso, c'est la cour officielle où les délégations officielles, les chefs d'État, etc. sont reçus par les préfets de la maison pontificale et par les gentilhommes de sa sainteté. Monseigneur Stefano Sancerico. Cette partie du palais, c'est la partie plus ancienne du palais apostolique. Et c'est la partie de la fin du Moyen-Âge, au retour des papes d'Avignon. Ici, vous voyez le baptême de Constantin, qui est un peu la fondation publique de l'Église romaine. Et toujours les clés de Saint-Pierre sous la tiare du pape. Et c'est toujours. Voilà un extrait de la grande traversée qu'avaient réalisé Perrine Kervran et Véronique Samuilov. C'était en 2016 sur notre antenne, donc pendant l'été 2016. Une grande traversée consacrée au Vatican, dans l'ombre du Vatican. Et évidemment, il y avait eu 10 heures d'émission autour de cet État cité dont nous allons parler pendant 50 minutes avec nos trois invités. Laura Pettinaroli, bonjour. Bonjour. Isabelle de Gaulmin, bonjour. Bonjour. Et vous, Gilles Ferragut, bonjour. Bonjour. Ainsi que des textes qui seront lus par Nathalie Canoui. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, cette cour San Damasio, vous l'avez parcourue vous-même, Isabelle de Gaulmin, pendant que vous étiez pendant 4 ans au Vatican ? Oui, alors pas tous les jours, mais enfin, effectivement, assez souvent. Alors, c'est vrai que c'est psychologiquement, c'est assez bizarre, parce que dès que vous avez un rendez-vous au Vatican, vous passez une frontière, et donc vous devez venir avec votre passeport. Et puis alors, comme en plus, il y a quand même une tradition bureaucratique assez énorme, vous ajoutez l'Italie et le Vatican, ça fait beaucoup. Donc vous passez une demi-heure, trois quarts d'heure à attendre qu'on veuille bien vous laisser passer. Donc il y a un côté comme ça, on est derrière des murailles, et on va voir des gens qui sont derrière des murailles, même si la plupart, ils habitent en réalité à Rome, ils habitent pas au Vatican même, ils ont quand même cette espèce de complexe, un peu d'enfermement, et on ne va pas les voir comme ça. Quand vous allez au Vatican, quand vous êtes journaliste en tout cas, vous devez prendre rendez-vous avant, vous devez vérifier que votre nom est bien inscrit, et puis les gens à la frontière se font un plaisir généralement de vous faire attendre, de tout vérifier, enfin, c'est toujours très long. Et vous-même, Laura Pettinaroli, qui est historienne, vous travaillez dans les archives du Vatican, vous avez donc produit pour l'École française de Rome plusieurs travaux collectif autour de ces papes, cette papauté et cet État cité. Vous avez cette impression d'enfermement qu'avait le pape, par exemple, lorsque, au XIXe siècle, il s'est considéré comme le prisonnier de ceux qui créaient l'État italien ? Alors, moi, j'ai pas du tout ce souvenir-là. Au contraire, c'est vrai que quand on a la carte pour entrer aux archives du Vatican, bon, le premier jour, effectivement, on fait la queue. Mais alors après, non, au contraire, c'est très facile de rentrer. On circule avec une grande liberté. Et c'est la différence entre la presse et la recherche, peut-être. Surtout au Vatican, on n'aime pas trop la presse, en tout cas à l'époque où j'étais. Gilles Ferragu, vous-même, vous êtes rendu sur place pour travailler pour ce dictionnaire que vous avez co-réalisé, donc Dictionnaire du Vatican. Oui, tout à fait. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il faut de toute façon, pour rentrer, adresser une supplique. Donc il faut supplier avant de pouvoir être accepté, être intégré dans le Vatican pour y travailler. Oui, ça c'est un jeu de mots, parce que j'imagine que supplique n'a pas le sens moderne que nous connaissons, c'est plutôt effectivement un sens médiéval. Ah, c'est administratif. Laurent Pettinaroli, si on veut précisément donner quelques grandes idées à nos auditeurs sur la constitution de ce micro-État qu'est le Vatican, 44 hectares, je crois, 961 habitants. C'est le nombre d'habitants qui m'a surpris. Très peu d'habitants, tout compte. Oui, très peu d'habitants. Et puis, encore moins de citoyens, enfin. Et puis surtout, une citoyenneté qui est surtout de fonction, effectivement. On peut la perdre dès qu'on n'habite plus de façon stable dans la cité du Vatican. Donc, ce sont surtout, finalement, les responsables, les administratifs et les nonces aussi qui disposent de cette... Oui, Isabelle Le Goulmin. Non, il faut dire que cette... alors, je ne sais pas si c'est la citoyenneté, en tout cas, il y a une carte verte du Vatican qui est très recherchée par tous les Romains, puisqu'elle permet de se... Et puis un passeport qui vous permettrait à vous vous aimeriez bien l'avoir. De se fournir en essence pas chère, puisqu'au Vatican, il faut savoir qu'il y a de l'essence pas chère et détaxée. Donc, du coup, c'est le grand sport des Romains, c'est avoir leur carte pour pouvoir remplir leur voiture au Vatican. Et puis, il y avait... Mais alors, le pape François l'a supprimé, il y avait un magasin de produits détaxés où vous trouviez absolument tout le luxe. Donc c'était quelque chose qui était un peu contre, quand même, un contre-témoignage au Vatican, un magasin de luxe détaxé, où, un peu comme un aéroport, où vous pouviez aller acheter des objets de luxe. Donc voilà, les Romains, ils aiment bien se passer la carte pour aller faire leurs courses là-bas. Mais d'ailleurs, c'est une citoyenneté qui, par rapport à bien d'autres citoyennetés depuis la Révolution française, est un peu particulière, parce qu'on n'élit pas son pape, en l'occurrence, Laura Pettinaroli. Non, c'est clair. C'est évidemment le collège des cardinaux réunis en conclave qui élit le pape. Mais les cardinaux, eux, pour le coup, ont cette citoyenneté de façon... façon stable. Quoi. Gilles Ferragu, si on veut comprendre comment cet État-cité s'est créé et comment il perdure dans le 21e siècle débutant, en l'occurrence, il faut remonter à quelle période, et est-ce qu'il faut se placer au milieu du 19e siècle, au moment où le printemps des peuples commence à faire bouger la totalité des frontières de l'Europe et des empires existants à ce moment-là? Tout à fait, il faut en fait remonter à peu près dans les années 1840, avec les mécanismes d'unité, les idées d'unité qui naissent un peu partout en Europe et qui vont naître même à Rome même avec l'arrivée du pape Pie IX. Mm-hmm. Au début, on croit, on rêve, il y a tout un courant qui s'appelle le parti néo-guelph qui rêve que Pie IX réalise l'unité italienne, puisse s'imposer aux Autrichiens qui occupent une partie de l'Italie. Alors Pie IX va reculer devant la perspective de la guerre en 1848. Il va y perdre temporairement Rome. Il va fuir jusqu'à Gaël, jusqu'aux frontières de Naples sous la protection des Français. Il revient dès 1849. Et à partir de là, on va dire que la mécanique unitaire va être gérée par le Piémont, par le comte de Cavour et par Victor Emmanuel II, puis ses successeurs. Alors à Pettinaroli, ce moment est un moment important parce qu'il va déterminer les 80 ou 90 années qui vont suivre, donc entre le milieu du 19e siècle et la fin des années 20. Je parlais tout à l'heure des accords du Latran. Il va y avoir ce moment un peu trouble où on ne sait pas très bien quel rôle on veut faire jouer au pape, quel rôle le pape lui-même veut jouer et sur quel temporel il gouverne. Oui, effectivement, entre 1870 et 1929, c'est la période qu'on désigne souvent sous le terme de question romaine, autour de la question romaine. Quel est le statut finalement de ce pape? C'est vrai que l'État italien va promulguer une loi de façon unilatérale, la loi des garanties, en 1871, qui donne quand même une certaine indépendance au pape, qui la reconnaît de façon formelle mais unilatérale. Le pape Pie IX ne reconnaît pas cette loi. Et effectivement, on rentre dans une période un petit peu trouble, mais durant laquelle le Saint-Siège, en tant que sujet de droit international, continue à exister. On a toujours des nonces, des représentants diplomatiques auprès du Saint-Siège, de différents États européens. Le Saint-Siège continue à signer des concordats avec des États, donc il continue à exister quand même sur la scène internationale. Et même, il va chercher à transformer son statut dans le concert européen, en soulignant sa mission de paix, notamment ses fonctions d'arbitrage, etc. Alors, puisque vous évoquiez cette question romaine, le premier texte lu par Nathalie Canoui, c'est une encyclique de Pie IX, le 1er novembre 1870. Considérant tout ce que le gouvernement subalpin fait déjà depuis plusieurs années, avec des machinations continuelles pour abattre la principauté civile accordée par la divine Providence à ce siège apostolique, afin que les successeurs du bienheureux Pierre aient toute la liberté et la sécurité nécessaires à l'exercice de leur juridiction spirituelle, il nous est impossible, vénérables frères, de ne pas ressentir dans nos cœurs une profonde tristesse pour une si grande conspiration contre l'Église de Dieu et contre le Saint-Siège, en ce triste moment où ce même gouvernement, suivant les conseils des sectes de perdition, a mené contre toute loi, avec armes et violence, cette invasion sacrilège prévue depuis longtemps de notre cité des autres villes qui étaient encore naguère sous notre juridiction. Nous déclarons que tous les domaines du Saint-Siège et ses droits restent intacts, inviolables, et qu'ils soient transmis à nos successeurs. Nous déclarons et protestons aussi, devant Dieu et devant le monde catholique tout entier, que nous sommes dans une captivité telle que nous ne pouvons exercer notre autorité pastorale suprême avec sécurité, rapidité et liberté. Alors si nous n'étions pas dans un contexte, disons, religieux aussi, on pourrait penser que c'est une déclaration de guerre, Gilles Ferringu, parce que les termes sont extrêmement durs, machination continuelle, gouvernement subalpin, une façon de le renvoyer à ses origines du nord de l'Italie, conspiration, secte de perdition, voilà, on est dans une déclaration extrêmement ferme, en termes de diplomatie, on dirait une déclaration ferme, mais peut-être même un peu plus loin. Alors c'est une déclaration, mais hélas, ce n'est plus une déclaration de guerre, c'est une déclaration de défaite, puisqu'entre-temps, le 20 septembre 1870, les troupes italiennes sont rentrées par la Porta Pia dans Rome, ont pris possession de Rome, il y a eu un simulacre de bataille, le pape ne voulait pas verser le sang, il s'est donc enfermé dans le Vatican, et la chose importante là, c'est qu'il se définit comme prisonnier du Vatican. Mmh. Alors c'est une guerre. Captivité telle que nous ne pouvons exercer notre autorité pastorale suprême avec sécurité, rapidité et liberté. Voilà, c'est une guerre, mais une guerre psychologique. Et l'idée, c'est de miner, entre guillemets, l'autorité, voire la souveraineté du nouveau roi, considéré dans toute la discussion. Victor Emmanuel II. Voilà, qui va être considéré comme l'usurpateur. Et au contraire, de se positionné comme la victime, et donc il attend le secours de la communauté internationale. Ce qui est extrêmement intéressant, Laura Pettinaroli, c'est que effectivement, on peut se dire que ce nouveau roi, venant du nord de l'Italie, du Piémont-Sardaigne, est un roi qui, a priori, n'a pas des intentions seulement hostile vis-à-vis de cette papauté, et qu'il va donc monter une sorte d'État contre celui qui avait une autorité suprême reconnue par beaucoup pendant les siècles précédents. Et donc, c'est une sorte de bataille difficile à mener pour lui, en l'occurrence pour Victor Emmanuel II. Oui, et puis qui va être d'autant plus difficile à mener que l'attitude du pape, qui va demander aux catholiques italiens, du coup, de ne pas participer aux élections, c'est le non expedit, qui va durer quand même un certain nombre d'années, pose un certain problème pour l'enracinement de ce nouvel État, de la monarchie italienne. Et c'est une question qui va quand même peser sur toute cette période de l'histoire de l'Italie, qu'on appelle la période libérale, pour finir par être surmontée au début du XXe siècle. Mais ça joue quand même dans l'histoire, on va dire, de la vie politique italienne. Mais qu'est-ce qu'il perd dans cette affaire ? Il perd des États, il perd des revenus. Le pape, en l'occurrence, il perd ce qu'on appelait les États pontificaux, qui ont été grignotés au fur et à mesure de l'unité italienne, Gilles Ferringu. Il a perdu quasiment la moitié de l'Italie. Les États pontificaux, c'était une immense partie de l'Italie, peut-être un tiers en tout cas de l'Émilie-Romagne, l'Ombrie, les Marches, exactement. Le Latium évidemment, tout autour de Rome. Donc il perd une population, il perd une communauté, il perd des impôts, il perd des terres, et il perd surtout ce qui à l'époque en tout cas est considéré comme ce qui construit un État, c'est-à-dire une souveraineté fondée sur des terres et sur une communauté. Et tout l'enjeu, c'est de redéfinir cette souveraineté que l'Italie lui accorde via notamment cette loi des garanties de 1871, qu'il repousse. Il repousse cette garantie donnée par l'Italie. Non seulement jusqu'en 1913, il va refuser que les catholiques participent à la vie politique, mais également il interdit les visites à Rome, il interdit tout ce qui peut, entre guillemets, contredire sa souveraineté perdue. Laura Pettinaroli. Oui, tout à fait. Malgré tout, à partir de 1878, avec le pape Léon XIII, le Saint-Siège essaie quand même de développer des stratégies très actives au niveau diplomatique pour être présent, mais d'une autre manière. Alors, vous parliez de cette loi des garanties, 13 mai 1871. Un extrait nous en est lu par Nathalie Canoui. Le Sénat et la Chambre des députés l'ont approuvé. Nous avons sanctionné et promulgué ce qui suit. Titre 1. Les prérogatives du souverain pontife et du Saint-Siège. Article 1. La personne du souverain pontife est sacrée et inviolable. Article 2. L'atteinte à la personne du souverain pontife et la provocation à la commettre sont punies des mêmes peines que celles prévues pour cette atteinte et la provocation à la commettre contre la personne du roi. Le débat sur les questions religieuses est totalement libre. Article 3. Le gouvernement italien honore le souverain pontife sur les territoires du royaume avec les honneurs souverains et maintient la prééminence de l'honneur qui lui est accordé par les souverains catholiques. Article 4. La dotation du revenu annuel de 3 225 000 lires est préservée en faveur du Saint-Siège. Voilà donc ce qui est voté le 13 mai 1871 par le Sénat et la Chambre des députés italienne, nouvellement instituée. Le pape va donc refuser cette proposition. Ce qui est étonnant, et ce qu'on a peut-être oublié en France, c'est combien ce gouvernement italien se veut... Alors, est-ce qu'on dirait laïque à la française? En tout cas, il y a une dimension laïque dans un gouvernement qui est situé dans le cœur même du christianisme et de la papauté, Gilles Ferragu. Alors, c'est une laïcité, effectivement, qui est un petit peu compliquée, qui n'est pas tout à fait à la française, c'est une laïcité, on va dire, tolérante, qui reconnaît dans le souverain pontife un chef d'État, qui reconnaît d'ailleurs, et ça fait aussi partie de la loi des garanties, la religion catholique comme religion de l'Italie, mais qui par contre limite le pouvoir politique. Elle interdit en fait ce qu'on appelle le cléricalisme, c'est-à-dire le rôle politique du pape. C'est plutôt une laïcité à l'américaine. Laura Pettinaroli, sur ce type de laïcité, et surtout sur la place que pouvait avoir le temporel de l'Église à ce moment-là et le rôle du pape dans la vie politique du 19e siècle en Italie. Est-ce qu'il était très puissant? Est-ce que, d'une certaine façon, c'est ce gouvernement qui s'instaure veut limiter un pouvoir qui serait trop important dans l'Italie de l'époque? Oui, enfin, de toute façon, l'Italie, pour sa construction, n'avait pas énormément le choix. Est-ce qu'il était possible de concevoir deux souverains dans le même espace dans un premier temps? Donc la réponse est non. Donc l'Italie prend toute la place. Malgré tout, donc ça c'est dans la loi des garanties, on laisse au pape la jouissance d'un certain nombre d'espaces dans la ville de Rome dont le pape a simplement simplement le loisir de l'occuper. Il y a le Vatican, le Latran, il y a aussi le Castel Gandolfo, l'inviolabilité de sa personne, la liberté des conclaves et des conciles, le droit aux représentations diplomatiques et ses indemnités qui sont mentionnées à la fin. Voilà. en même temps, il n'est pas totalement libre, puisque, par exemple, à un moment donné, Léon XIII veut mettre une taxe sur l'entrée au musée du Vatican, et à ce moment-là, il est critiqué en disant « mais est-ce qu'il a vraiment le droit de mettre une taxe, puisqu'il n'en est pas propriétaire ? Il n'en est simplement, il peut simplement bénéficier de ces espaces. » De ces espaces et du revenu, il bénéficie des espaces. Non, il n'y a pas de revenu à ce moment-là au musée du Vatican. Isabelle de Gaulmin, puis Gilles Ferrangu. En fait, il me semble que si on en est arrivé là, c'est aussi que les États du Vatican, enfin les États du Saint-Siège, étaient très mal gérés. Et quand on lit, par exemple, Stendhal, on voit bien qu'on était quand même dans un système qui était un peu en décadence. Et on dit beaucoup, encore aujourd'hui en Italie, on vous dit toujours, la manière dont le pape a géré ses propriétés foncières, etc., n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Donc peut-être que cet effondrement qu'on voit très rapide s'explique aussi par la manière dont ces états pontificaux étaient gérés et qui fait qu'il y avait finalement plus de dynamisme propre et c'est pour ça que c'est parti très vite. Vous opinez du bonnet, en l'occurrence, là, Didier Naroli. Oui, il y a eu des efforts quand même de réforme, notamment au début du pontificat de Pie IX pour transformer un certain nombre d'institutions. Effectivement, après, ça fait aussi partie de... après, il y a aussi beaucoup de critiques contre l'État italien, ensuite, sur sa façon de gérer les choses. Donc, ça fait partie un peu de la polémique. Gilles Ferrangu. Il y a une manière, en fait, pour le pape aussi de s'imposer, c'est par la symbolique. Et peut-être que l'un des moments les plus symboliques pour ça, c'est le jubilé de 1900, c'est-à-dire c'est une reconquête, entre guillemets, symbolique de la ville de Rome. On fait venir les catholiques à Rome. Le pape ne sort pas du Vatican, ça c'est le principe qui a été établi par Pie IX et que les autres papes vont respecter jusqu'aux accords du Latran. Le pape ne sort pas du Vatican. C'est-à-dire que l'idée que les papes du XXe siècle, en particulier Paul VI, mais d'autres aussi, sortent du Vatican, est en contradiction avec une idée qui est toute récente, qui date de la fin du XIXe siècle, où ils sont enfermés, où ils se considèrent comme prisonniers à l'intérieur de ce même Vatican. Auparavant, les papes sortaient du Vatican, puisqu'ils avaient des états, ils partaient un peu partout dans ce qu'on appelle l'Italie aujourd'hui, mais ils partaient aussi à l'étranger. Ça n'était plus le cas pendant toute cette période, entre 1870 et, mettons, le milieu des années 50. Tout à fait. Enfin, en fait, les papes étaient girovagues, dès l'époque médiévale. Mais de 1870 jusqu'à 1929, de manière officielle, le pape dit « je ne bougerai plus du Vatican ». C'est une espèce de bouderie à dimension internationale extrêmement efficace. Et la nouveauté, ça va être un pape qui va sortir des murailles du Vatican. On pourrait faire un parallèle avec l'empereur du Japon juste après la Seconde Guerre mondiale. Oui, et que devient Rome dans cette affaire-là, Laura Pettinaro? C'est-à-dire la ville même de Rome, tiraillée entre deux souverainetés. On ne reconnaît pas la souveraineté du pape sur cette ville de Rome, mais néanmoins, il a une souveraineté, mettons, sacrée dans une ville qu'il a toujours dirigée depuis des siècles, en l'occurrence. Oui, effectivement, mais la population italienne elle-même, notamment dans ses élites, est assez fracturée par cette situation. Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'effectivement, il y a des moments symboliques très forts, les jubilés, pour faire venir les catholiques à Rome, et puis les papes aussi vont chercher à mobiliser les catholiques du monde entier sur cette question romaine. Par exemple, Léon XIII va demander qu'à la fin de chaque messe, des prières soient dites en pensant justement à la question romaine et en espérant qu'elle soit résolue. Oui, alors cela c'est très important. Vous disiez tout à l'heure, Laura Pettinaroli, qu'il faut attendre le tout début du XXe siècle, la veille de la Première Guerre mondiale, pour qu'on sente une sorte de détente, entre guillemets, se mettre en place. Ça n'est pas encore tout à fait le cas. Mais disons, il y a des gestes qui sont faits d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce qui se passe en 1913? Vous citiez tout à l'heure la date de 1913, Laura Pettinaroli. Bien, le contexte politique évolue en Italie. Il y a d'autres menaces qui commencent à inquiéter le pape, notamment la montée du socialisme. Bon, ça, c'est le cas depuis notamment les années 1890. Et puis, la participation aussi électorale devient de plus en plus large, avec l'élargissement d'un suffrage universel de plus en plus net. Donc, cette question politique, elle se pose de façon différente. Oui, et d'ailleurs, Gilles Ferrangu, on peut dire qu'à ce moment-là, peut-être le pape a-t-il du mal à tenir ses troupes catholiques. On leur interdit de participer aux élections, d'être élus. Mais il y en a certains qui passent le pas et qui vont tenter de l'être, justement, soit élu, soit de participer aux élections, parce qu'ils considèrent que le pays qui est en train de se former, c'est le leur, d'une certaine façon. Il y a un spectre qui hante le Vatican depuis le début du XXe siècle, c'est le spectre du Parti catholique. Et on va avoir plusieurs, parfois des hommes d'église, comme Don Luigi Sturzo, plusieurs personnalités, non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, que ce soit en Allemagne avec un parti catholique, le Zentrum, qui lui va être autorisé, que ce soit en France avec des personnages comme Albert Demain ou Louis Piou, qui eux vont être récusés. On va avoir une tentative des catholiques de créer des partis catholiques. Et à chaque fois, le pape refuse systématiquement. En Italie, il le refuse aussi, mais il sent bien qu'il ne peut plus contenir ses troupes. Et donc, au final, il va se laisser déborder. Il va, dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le pacte Gentiloni, accepter la participation des catholiques aux élections pour barrer la route aux socialistes. Avec sept conditions à respecter, dit-il, et en particulier l'idée qu'il y aurait, au bout du compte, il va y avoir 20 députés catholiques qui vont être élus, c'est cela ? Tout à fait. Mais là, la grande étape, ce sont les accords du Latran, où le pape, en échange justement de ce concordat et tout ça, accepte de retirer son influence du temporel. Ça fait partie des accords. Alors évidemment, il y a aussi la Première Guerre mondiale, les accords de Latran, c'est 1929, Laura Pettinaroli. La Première Guerre mondiale qui joue son rôle, l'engagement de l'Italie dans cette même guerre mondiale et la formation d'un parti à la fin de cette guerre mondiale, en 1919, c'est le PPI. Oui. Bon, il faut dire que pendant la Première Guerre mondiale, il y a des contacts importants qui ont lieu vraiment entre le pape Benoît XV et un certain nombre de responsables politiques italiens, même de façon très concrète, pour le développement de toute l'action humanitaire du Saint-Siège durant cette période-là. Empêcher l'Italie d'entrer en guerre, d'ailleurs. Ça, c'est un point important. Et puis, une fois qu'elle est entrée en guerre, on a besoin de l'Italie, tout simplement, parfois, pour envoyer des télégrammes, pour des choses très, très concrètes. Donc, L'Italie ne participe, le Saint-Siège ne participera pas à la conférence de la paix dont on parlait il y a deux semaines dans la Fabrique de l'Histoire, en 1919, à Paris. Le Saint-Siège est interdit d'y participer, Gilles Ferragu ? En fait, il est interdit parce que l'Italie craint que le Saint-Siège ne pose à nouveau la question romaine, mais ce qu'on peut constater dans cette guerre comme dans la suivante, c'est que le Saint-Siège, c'est en fait un territoire où on discute, où il y a non seulement une diplomatie secrète, où il y a de l'espionnage, et c'est en fait une zone neutre dans une Europe en guerre mondiale. Et donc la guerre se termine, cette conférence de la paix, 1919, et puis l'arrivée très rapide en 1922 de Mussolini au pouvoir après la marche sur Rome, et là, une nouvelle phase s'ouvre, Laura Pettinaroli, une phase un peu complexe, une sorte de pas de deux. Venant d'où il vient, Mussolini n'est pas véritablement un catholique convaincu, mais il va comprendre que pour se maintenir au pouvoir, il va falloir faire des accords, et en particulier ces accords qui seront signés 7 ans plus tard. C'est quoi ce moment particulier entre 1922 et 1929, Laura Pettinaroli ? Peut-être qu'il faut rappeler que des discussions déjà assez avancées pour une conciliation avec l'Italie avaient eu lieu notamment en coulisses en fait de la conférence de la paix en 1919. Déjà des rapprochements qui avaient pu être mis en place. Et puis c'est vrai que à partir de 1922, Mussolini va chercher aussi à enraciner son régime et il va se tourner en partie vers l'Église catholique. Des premiers contacts ont lieu à partir de 1923 et puis ça dure quand même effectivement plusieurs années. Quand je dis pas de deux, c'est vraiment un pas de deux. On avance d'un pas, on recule de deux. Ça prend un certain temps et ça n'est pas si simple que cela à mettre en place, Gilles Ferragu. Tout à fait. Le modèle a déjà été préparé, c'est celui de Napoléon Ier, du consulat et du concordat de 1801. Mussolini ne refait que ce qu'a fait Napoléon, c'est-à-dire qu'il établit son pouvoir comme ça, quasiment au lendemain de l'affaire Matteotti. Et l'idée, justement, c'est que ce sont des longs pas où chacun veut se garantir quelque chose. Mussolini se garantit finalement une conciliation avec les catholiques, d'où la Via della Conciliazione qui va être élaborée. Qui va être tracée d'ailleurs à ce moment-là, dans le Borgo, et qui va être coupée, couper cette partie de Rome pour pouvoir faire cette grande avenue qui conduit jusqu'à la place Saint-Pierre. Alors que juste avant, tout l'urbanisme de cette partie de Rome devait couper la vue au Vatican pour éviter qu'on ne voie le Vatican. Donc là, c'est vraiment une conciliation urbanistique. Il y a ça, mais il y a aussi surtout l'idée, c'est ce que voulait arracher Mussolini, que Rome ne se mêlerait pas des affaires politiques du fascisme. Voilà, alors donc les accords de Latran, 1929, un extrait lu par Nathalie Canoui. « sur le... Attendu que le Saint-Siège et l'Italie ont reconnu qu'il convenait d'écarter toute cause de différend existant entre eux et d'arriver à un règlement définitif de leur rapport réciproque qui soit conforme à la justice et à la dignité des deux hautes parties et qui, en assurant au Saint-Siège, d'une manière stable, une situation de fait et de droit qui lui garantisse l'indépendance absolue pour l'accomplissement de sa haute mission dans le monde, permette à ce sujet, à ce même Saint-Siège, de reconnaître résolue d'une façon définitive et irrévocable la question romaine, née en 1870 de l'annexion de Rome au royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie. Qu'il faut, pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, lui garantir une souveraineté indiscutable même dans le monde international, et que par suite est apparue la nécessité de constituer avec des modalités particulières la cité du Vatican, en reconnaissant au Saint-Siège sur ce territoire pleine propriété, pouvoir exclusif et absolu, et juridiction souveraine. Article 1er, l'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré dans l'article 1er du statut du royaume en date du 4 mars 1848, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État. Article 2. L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. Article 3. L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété, le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine sur le Vatican, comme il est actuellement constitué avec toutes ses dépendances et dotations, créant de la sorte la cité du Vatican pour les fins spéciales et avec les modalités que contient le présent traité. Les limites de la dite cité sont indiquées sur le plan qui constitue l'annexe 1 du dit traité, dont il fait partie intégrante. Il reste par ailleurs entendu que la place Saint-Pierre, tout en faisant partie de la cité du Vatican, continuera à être normalement ouverte au public et soumise au pouvoir de la police des autorités italiennes. Celles-ci s'arrêteront au pied de l'escalier de la basilique, bien qu'elles continuent à être destinées au centre public et au culte public, et elles s'abstiendront par conséquent de monter et d'accéder à cette basilique, sauf le cas où elles seraient invitées à intervenir par l'autorité compétente. C'est beau la diplomatie, Isabelle de Golemin, tout est pesé au trébuchet. On sait jusqu'où vont pouvoir aller les forces italiennes, jusqu'au pied de la basilique, sans y rentrer. En fait, en écoutant ce texte, j'avais deux pensées. D'une part, c'est quand même, on vit toujours là-dessus. Mm-hmm. Et finalement, peut-être qu'il faudrait bien définir ce qu'est l'État du Vatican et ce qu'est le Saint-Siège, parce que c'est pas la même chose. Eh oui. Et là, on va donner au Saint-Siège, qui est une souveraineté internationale, une base technique. Mais souvent, les gens ont confondu les deux choses et c'est pas du tout la même chose. Et puis, c'est vrai que pour la petite anecdote, quand il y a toujours des anicroches entre la police italienne et puis les gardes suisses sur cette histoire de place Saint-Pierre, qui est-ce qui assure la sécurité, etc., les uns disant que les autres sont nuls. Enfin, vous avez toujours des problèmes de tiraillement entre les deux. Voilà, ça c'est plutôt le folklore. Laura Pettinaroli, effectivement, c'est très important que d'avoir ainsi conçu les accords de Latran, qui permettent ensuite 100 ans plus tard, puisqu'ils ont été signés, je crois, le 11 février 1929. Donc, à cette cohabitation entre un État souverain, qui s'appelle la cité-État du Vatican, et l'État italien. Revenons sur cette question entre Saint-Siège et État du Vatican. C'est quoi la différence? Y a-t-il une différence, Laura Pettinaroli? Bah oui, la différence, elle est nette. On vient d'en parler. Hein. L'État de la Cité du Vatican, bah, c'est tout récent, 1929. Le Saint-Siège, donc, c'est ce sujet de droit international, qui a derrière lui plusieurs centaines d'années d'existence. Ils n'ont pas la même fonction. Clairement, l'État de la Cité du Vatican, il est pensé de façon assez instrumentale, finalement. Il permet d'avoir une assise territoriale, une souveraineté, qui assure, qui est là pour servir le Saint-Siège. Voilà, ça c'est. Et Gilles Ferragu ? Tout à fait, et ça se manifeste notamment justement dans les moments de crise. Moi, ce qui m'impressionne le plus, par exemple, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Italie fasciste, le Saint-Siège est un État neutre, dans lequel il y a toute une légation anglaise, il y a des représentants américains, il y a des représentants français, qui ne sont absolument pas inquiétés. Et donc ça veut dire qu'on arrive à maintenir cette... Alors, c'est une fiction politique, mais c'est une fiction politique, du moment qu'on y croit à une fiction politique, elle existe, cette fiction politique, à maintenir, dans les moments les plus difficiles de l'histoire italienne, à maintenir cette fiction politique, en l'occurrence, Laura Pettinaroli. Ben, pour la Seconde Guerre mondiale, pour l'essentiel, oui, il y a eu quelques incursions quand même des troupes allemandes dans un certain nombre de territoires qui relèvent de l'état de la cité du Vatican, mais très vite, le pape a réagi et les Allemands ne sont pas tellement allés au-delà. Oui, Isabelle de Gaulle. Bon, juste pour montrer que ça court encore aujourd'hui, on en a reparlé au moment de Aquarius, parce que donc l'Italie avait enlevé son pavillon italien de l'Aquarius, et il a été question à un moment qu'il y ait un pavillon du Saint-Siège, et du coup on a regardé effectivement historiquement, c'est possible, le dernier bateau du Saint-Siège c'était sous Léon XIII, mais tout est fait dans les accords du Latran pour que le Saint-Siège puisse avoir sa propre flotte. Voilà, donc finalement l'Aquarius n'est pas sous pavillon du Vatican, mais c'était cette idée de neutralité aussi qui est un peu intéressante, je trouve. Laura Pettinaroli. Oui, neutralité et en même temps, dans les accords du Latran, l'état de la cité du Vatican demande, enfin insiste sur le fait qu'elle ne rentrera pas en concurrence avec les autres états. Donc il y a l'idée que c'est bien un état, mais qui ne rentre pas en concurrence avec les autres. Gilles Ferragu. En fait, ce qui s'est passé au cours du 19e et qui est abouti en 1929, c'est que le Vatican a troqué une puissance qui était matérielle, réelle, les états du pape, contre une puissance morale dont il se sert à partir de cette période-là via des médiations, via des tentatives de paix, via des interventions humanitaires et qui court jusqu'à nos jours. Isabelle Le Goulmin. Oui, je crois qu'il faut aussi parler de la puissance financière, parce que c'est à partir des accords du Latran qu'il y a eu toutes les fameuses compensations financières qui font que l'État du Vatican s'est retrouvé aussi à la tête d'une somme financière importante et qui explique aussi pas mal de dérives qu'il y a eu ensuite sur la banque du Vatican, etc. Vous êtes d'accord, Laura Pettinaroli? Oui, c'est vrai qu'après 1929, l'État de la Cité du Vatican va disposer d'un certain nombre de moyens. Ça sera un moment aussi de construction de la gare du Vatican, etc. Donc, 1,750 milliards de livres de lire à l'époque. Donc, ce qui était une somme qui était moins que la somme qui avait été prévue en 1871, mais qui reste quand même une bonne somme. Et d'ailleurs, il y a plein d'argent au Vatican. C'est un titre de 1960 du groupe JPPL. Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants. Saint-Pierre de Rome s'affale sous le poids des lingots. Faudrait des succursales ou bien faire des travaux. Si lourde est la cassette dont les papes sont coiffés, que lorsqu'ils baissent la tête, c'est pas d'humilité. Il y a plein d'argent au Vatican, des rubis, des louis, des diamants. Il y a plein d'argent au Vatican, mais ce n'est pas pour les enfants. Il y a tant d'or dans les cuves qu'ils passent par-dessus bord. C'est pour ça que le Vésuve vomit des lingots d'or. Et même la tour de Pise est prête à s'écrouler. Il y a plein d'argent au Vatican à titre du groupe JPPLL en 1960, dans lequel jouait Pierre Chédeau et quelqu'un que connaît bien Nathalie Canoui. Paul Canoui, en l'occurrence, alors nous sommes avec nos trois invités, Gilles Ferragu, vous-même Laura Pettinaroli et Isabelle de Gaulmin. Cette question et cette histoire, on se la raconte quand on est au Vatican, cette longue histoire des péripéties d'un État bien plus important qu'il n'est, la transformation de cet État en une sorte de souveraineté souveraineté morale sur l'ensemble du monde depuis maintenant un peu moins de 100 ans. On se la raconte quand on est correspondant au Vatican. C'est quand même un coup de génie quelque part d'avoir comme ça un État tout petit qui n'est pas très compliqué à gérer, mais qui donne une assise à une souveraineté qui se prétend mondiale. Donc ça, c'est vrai que c'est la seule religion qui a cette possibilité-là, et je pense que c'est une vraie force pour la religion catholique. Alors par ailleurs, c'est vrai que ce côté très historique, et on vous ramène toujours à cette histoire quand vous êtes au Vatican, parce que c'est aussi un argument qu'on vous donne pour ne rien changer. Généralement, quand vous leur dites « Mais écoutez, Monseigneur, il faut peut-être un peu bouger, là, les choses bougent. » Oh là là, ça fait deux siècles, enfin voilà, deux siècles, trois siècles, on vit comme ça, c'est pas grave. Donc il y a aussi ce poids de l'histoire qui explique aussi cette difficulté de l'Église catholique qui est à Rome, hein, parce que pas toute l'Église catholique, de changer. Oui, Gilles Ferragu, cette transformation, ce coup de bonneteau, pourrait-on dire, ce jeu de bonneteau, où on transforme un état temporel et spirituel en état spirituel et moral, même s'il y a un temporel très petit, c'est 44 hectares, et c'est 961 citoyens de l'État du Vatican, c'est quand même tout à fait exceptionnel ce qui s'est passé. Effectivement, c'est une véritable stratégie qui a été mise en place à partir, je crois, de Léon XIII, et qui va jouer sur d'autres méthodes, une autre forme de diplomatie, d'autres enjeux. Il découvre en fait toute une dimension d'action humanitaire et il va investir cette action. Et de nos jours encore, on reconnaît au pape ce rôle spécifique qu'il a d'ailleurs illustré pendant les deux guerres. Et qui continue d'illustrer. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre série d'émissions sur 1919 et sur les traités de paix, on a vu combien, encore aujourd'hui, un siècle plus tard, des pays qui avaient fondu en raison de ces traités de paix, qui étaient passés d'une dimension impériale à de tout petits pays, que ce soit l'Autriche, la Hongrie, ou enfin, ce ne sont pas des tout petits pays, mais beaucoup plus petits en superficie, avaient du mal à accepter cette fonte de leur souveraineté territoriale. Est-ce que vous ressentez ça pour l'État du Vatican ? Pas trop en fait, parce que il y a un texte qui est intéressant, c'est que le 11 février 1929, le jour de la signature des accords du Latran, le pape Pie XI lui rencontre des prêtres à Rome tout simplement, et il insiste justement sur ce territoire tout petit. Et il dit, en fait, il nous faut, semble en somme voir les choses au point où elles se réalisaient en la personne de Saint François. Il avait juste assez de corps pour retenir l'âme unie à lui. Donc il y a l'idée d'une spiritualisation. C'est assez fort d'aller chercher Saint François pour justifier les accords de Latran. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans le même passage, il dit, voilà, on a un territoire tout petit, c'est finalement un territoire presque spiritualisé, mais il insiste aussi en disant que, mais en même temps, c'est le territoire le plus grand par son histoire, le plus grand par les reliques insignes qu'il conserve. Alors, on va écouter un extrait du discours que tenait Paul VI à l'ONU, le 4 octobre 1965, il n'avait pas peur, ce tout petit État, de se confronter aux beaucoup plus grands États qui se trouvaient justement dans cette Assemblée Générale de l'ONU. C'était donc en octobre 1965, Nathalie Canouille. Au moment de prendre la parole devant cet auditoire unique au monde, nous tenons à exprimer d'abord notre profonde gratitude à M. Tan, votre secrétaire général, qui a bien voulu nous inviter à rendre visite aux Nations Unies à l'occasion du 20e anniversaire de cette institution mondiale pour la paix et la collaboration entre les peuples de toute la Terre. Merci à vous tous, ici présents, pour votre bienveillant accueil. À chacun d'entre vous, nous présentons notre salut cordial et déférent. Votre amitié nous a conviés et nous admet à cette réunion. C'est en amis que nous nous présentons à vous. Cette rencontre, vous en êtes tous bien conscients, revêt un double caractère. Elle est empreinte à la fois de simplicité et de grandeur. De simplicité car celui qui vous parle est un homme comme vous. Il est votre frère et même un des plus petits parmi vous qui représentait des États souverains, puisqu'il n'est investi, s'il vous plaît de nous considérer à ce point de vue, que d'une minuscule et quasi symbolique souveraineté temporelle, le minimum nécessaire pour être libre d'exercer sa mission spirituelle et assurer ceux qui traitent avec lui qu'il est indépendant de toute souveraineté de ce monde. Il n'a aucune puissance temporelle, aucune ambition d'entrer avec vous en compétition. De fait, nous n'avons rien à demander, aucune question à soulever. Tout au plus, un désir à formuler, une permission à solliciter. Celle de pouvoir vous servir dans ce qui est de notre compétence, avec désintéressement, humilité et amour. Telle est la première déclaration que nous avons à faire. Comme vous le voyez, elle est si simple qu'elle peut paraître insignifiante pour cette assemblée habituée à traiter d'affaires extrêmement importantes et difficiles. Et pourtant, nous vous le disions, et vous le sentez tous, ce moment est empreint d'une singulière grandeur. Il est grand pour nous, il est grand pour vous. Pour nous d'abord, vous savez bien qui nous sommes. Et quelle que soit votre opinion sur le pontife de Rome, vous connaissez notre mission. Nous sommes porteurs d'un message pour toute l'humanité. Nos auditeurs ont entendu ce texte que vous avez choisi, Laura Pétinaroli, mais ils n'ont pas lu ce texte. Et quand on le lit, on s'aperçoit que chaque fois que le pape dit « nous », c'est un N majuscule. Ça n'est pas n'importe quel « nous ». Bien sûr, c'est « nous de majesté ». Oui, donc lorsqu'il dit « je suis le plus humble et le plus petit d'entre vous », il laisse entendre dans un texte comme celui-ci que c'est une autre supériorité qu'il peut avoir sur tous ces chefs d'État, puisqu'il est lié directement au souverain céleste, en l'occurrence. Il y a cette dimension-là, entre ce jeu, entre la temporalité, le temporel et le spirituel. Oui, effectivement, il y a un petit peu ce jeu, peut-être paradoxal, entre le tout petit, le très grand, qui est ici manié par Paul VI et puis par les autres papes, en fait. Hein. Gilles Ferragu et Isabelle de Gaulin. Gilles Ferragu. Napoléon III, pour essayer de convaincre le pape d'accepter la disparition de ses états, avait formulé cette situation dans une phrase simple. Plus petit sera l'État, plus grand sera le souverain. Il avait bien pensé, effectivement. Isabelle de Gaulmin, vous souriez en écoutant ce texte de Paul VI. Oui, parce que c'est émouvant. Et c'est vrai que c'est émouvant. Moi, j'ai eu la chance d'assister au passage de... Parce que tous les papes aujourd'hui, depuis Paul VI, viennent devant l'ONU. C'est vraiment un passage obligé. Donc moi, j'étais là quand Benoît XVI est allé devant l'ONU. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Parce que vous avez tout le monde qui se lève pour l'accueillir, qui écoute quand même de manière très intéressée. Alors, il parle en français et en anglais, en tout cas Benoît XVI, je crois que le pape François a parlé en espagnol. Et ensuite, tout le monde l'applaudit après, mais vraiment tout le monde. Donc, il y a quand même, là, on voit que ça reste important. Et encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut dire sur la religion catholique, c'est quand même écouté, en tout cas c'est dans cet hémicycle-là, c'est une voix qui porte. Gilles Ferragu. Dans le domaine de la diplomatie, il faut rappeler par exemple, ce sont les accords de Vienne de 61, que le doyen des diplomates dans la plupart des pays, c'est le nonce. Donc c'est aussi une reconnaissance symbolique du rôle spécifique de la diplomatie pontificale. Et si on revient à votre discussion de départ, à notre discussion de départ sur les tiraillements qu'il pouvait y avoir entre cet Italien en construction et le pape, il y a eu la création, le développement après la Seconde Guerre mondiale de la démocratie chrétienne, la volonté d'influer sur les choix politiques de l'Italie contemporaine, la volonté de repousser, y compris par Paul VI soi-même, repousser le compromis historique avec le Parti communiste. Donc il y a tout de même eu, jusque relativement récemment, des tentatives aussi de ne pas être simplement que ce petit État simplement spirituel, mais d'avoir aussi une action sur l'Italie qui vous entoure. On peut non seulement parler d'une action sur l'Italie via la démocratie chrétienne, mais on peut parler d'une action sur l'Europe. Et on a parlé assez régulièrement pour désigner le projet européen, à partir du moment où il émerge dans les années 1950, d'une Europe vaticane. Mmh. Donc ça montre bien la symbolique du drapeau européen. La plupart des atours, entre guillemets, de l'Europe sont inspirés de la religion. Et voilà, on peut y voir une influence du Saint-Siège. Vous êtes d'accord, Laura Pétinaroli, sur cette approche-là? En partie, oui. Après, c'est vrai que le terme d'Europe vaticane, il était aussi beaucoup utilisé par les communistes pour critiquer justement cette construction européenne qui était en cours. Et cette diplomatie vaticane que vous avez approchée de près dans les archives, Elle marche comment d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec tous ces aléas de l'évolution du 20e et maintenant du 21e siècle, elle a changé de cap, on peut le savoir, parce que les archives vaticanes ont une particularité, c'est qu'elles ouvrent très tardivement par rapport aux archives des États souverains qui sont tout autour, et qu'on ne peut pas, on peut consulter quoi pour l'instant, les archives de quel pape? Bien, en 2006, les archives du pape Pie XI ont été ouvertes, donc on va jusqu'en février 39. Et puis, on attend en fait l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII pour la période 1939-58. Cette ouverture avait été un petit peu promise pour 2015-2016, mais malheureusement, ce n'est toujours pas acté. Oui, c'est compliqué de faire un travail d'historien et d'historienne sur ces archives vaticanes, Gilles Ferragu. En fait, pour Pie XII, ont été ouvertes les archives liées à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, au moment où s'est posée ce qu'on appelle la question des silences de Pie XII. Mais à part ça, effectivement, c'est extrêmement difficile de travailler sur le contemporain, sur le Saint-Siège au contemporain, si ce n'est par des sources extérieures. Laura Pétinaroli. Oui, alors des archives ont été publiées dans les années 1960-70 sur la période de la guerre, mais les chercheurs n'y ont pas accès de façon libre. Après, ce sont des archives extrêmement riches, donc une fois qu'on, pour les périodes ouvertes, on a souvent une approche qui peut être très très fine du processus de décision, qu'on n'a pas forcément pour d'autres États. On voit les cardinaux discuter entre eux de telle ou telle stratégie, voilà. Isabelle de Golmas. Oui, moi je peux témoigner en tout cas comme observatrice que quand on est au Vatican, on voit beaucoup de gens de tous les pays, donc tous les ambassadeurs, tous les pays sont représentés par un ambassadeur auprès du Saint-Siège. Il y a aussi toutes les congrégations religieuses qui ont leur siège à Rome et qui passent, qui reviennent de Chine, qui reviennent d'Afrique, qui apportent aussi beaucoup de matériaux diplomatiques. Et donc les diplomates, par exemple, moi je me souviens très bien de l'ambassadeur de France qui disait, mais c'est très intéressant, on apprend plein de choses au Vatican parce que c'est une place où il y a beaucoup de circulation internationale. Avec des gens qui sont souvent très bien placés. C'est vrai que en Chine, pendant très longtemps, les quelques jésuites qui étaient là-bas apportaient un matériau précieux. À Cuba aussi. Enfin voilà, c'est quand même encore aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires du monde, un lieu où on sait beaucoup de choses. Voilà, et les réseaux, puisqu'il y a toujours ce fantasme d'un très petit pays qui, pour autant, a de très grands réseaux. Les réseaux fonctionnent encore. On ne sait pas comment ils vont réagir à la parution, je crois, dans 20 pays à partir de le 21 février, du livre Sodoma, par notre confrère Frédéric Martel, qui raconte les questions de sexualité dans l'Église, un livre qui paraît dans 20 pays en même temps, et qui sûrement va faire un scandale important dans ces pays, et peut-être même au Vatican. Merci à vous, Isabelle de Golmas, merci à vous, Laura Pettinaroli et Gilles Ferragu, merci à Nathalie Canouille d'être venue, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs de réécouter sur le site de France Culture ou de télécharger, puisqu'ils sont téléchargeables, les 5 émissions de 2 heures qui avaient été conçues il y a quelques années par Perrine Kervran et par Véronique Samouilov autour de l'ombre du Vatican, donc cette cité-État dont nous avons parlé ce matin. Pour votre part, on pourra lire Laura Pettinaroli, vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Le gouvernement pontificale sous Pie XI », un autre ouvrage sur les cardinaux entre cour et curie, et ainsi qu'un atlas des chrétiens chez Autrement. Et pour vous, Gilles Ferragu, eh bien, votre travail collectif que vous avez mené pour Robert Laffont, le dictionnaire du Vatican. Quant à vous, Isabelle de Gondemain, on vous retrouve dans les colonnes de La Croix et à l'antenne de France Culture, je crois que c'est le mercredi matin, chez Guillaume Herner. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Jordan Fuentes était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. Demain, nous continuons notre série sur les micro-États. Nous resterons en Italie avec l'État libre de Fiume et nous serons juste après la Première Guerre mondiale puisque ce sera bientôt le centenaire de cette expérience de micro-État à Fiume-Rijeka. On en discutera demain dans la Fabrique de l'Histoire.